طيب بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. قد أخذنا أمس الدرس في المضاف والمضاف إليه. طيب، فقلنا في الإضافة هو ضم الاسم على اسم، طيب، ويسيران بالإضافة كالاسم الواحد. طيب، وفق قائم في التلفزيون بغطور المضاف والمضاف إليه. ونبي دي كواك المضاف المضاف إليه c'est quoi son annexe c'est un nom dans un nom et ça faisait qu'un seul mot طيب. Et là je vais te Mahdi une donne nous des règles du modaf déjà le modaf il a un damma les frères écoutez hein rapprochez vous comme ça on entend tous Mahdi il a dit le modaf il a une damma طيب. En fait c'est un sous-entendu à ce qui va suivre, c'est-à-dire Kitabu Muhammadin. Là, je te demande des règles sur le modaf. Les frères, concentrez-vous sur les questions. Al modaf, on veut les règles du modaf. On n'a pas parlé du modaf, il n'y a rien du tout. Toi, tu as dit que le modaf, il a une damma. Taïb, qu'est-ce que tu connais d'autre sur le modaf? Hein? Tu connais que ça? T'as révisé? Un petit peu, Taïb. Les frères, c'est le 1, ça. Alors, si déjà dans le 1, on ne révise pas assez, imaginez-vous dans le 2, dans le 3. Vous voyez ? Qu'est-ce que tu connais d'autre ? Le modaf est comme Dima Mekira. C'est-à-dire, il ne prend pas de tanwin. Également, on a dit quoi ? Il est toujours Mekira. Voilà, mais c'est-à-dire, il ne prend pas de tanwin. Également, on a dit pas de Alif Wallam. Et plus tard, vous verrez, Inch'Allah, que le modaf, il pourra prendre l'Alif Wallam. Mais ça viendra, Taïb. Personne n'a une remarque par rapport à ce qu'il a dit Mahdi ? Non ? Sur la Dhamma. Qu'est-ce que ça veut dire sur la Dhamma ? Ça veut dire le. Ah bah oui, pour tout le monde entendre. Tout le monde veut profiter. Le modaf, il peut être marfou. Il peut être marfou. Qu'est-ce que ça veut dire marfou ? C'est avec un Dhamma. Un Dhamma. Il peut être mansoub avec un fetha. Ouais. Ou majrour avec. Il peut être majrour. C'est bon ce qu'il vient de dire là ? Saber, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Non, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Un petit peu. Taïb, qui ? J'ai entendu Chatra, Fatra, évidemment. Mais le frère Mahdi, vous avez entendu ? Si vous vous mettez là, c'est pas mieux ? Ce qu'il a dit, avec la dame. Saber, pouvez-vous mettre ici, c'est pas mieux ? Hein ? Voulez-vous mettre ici ? C'est mieux, non ? C'est pareil. Non, c'est bon, je parle un peu plus fort. Taïb, vous avez compris là ? On avait dit quoi ? El Mondaf hier, Barakallahu Fikoum. C'était pas forcément toujours marfou hein, avec une dhamma. On va trouver Inch'Allah un modaf avec une dhamma, avec une fatha et avec une kasra. Inch'Allah, ça, vous allez l'étudier. Mais déjà, celui qui a, par exemple, qui a su un peu parler l'arabe, qui peut nous donner un exemple avec une kasra, un modaf ? Qui est capable ? Faudal Ayman ? Nadartu ila sayarati al-mudarrisi. Très bien. Nadartu ila siyarati al-mudarrisi. Il est où le modaf ici, Saber ? Nadartu ila siyarati al-mudarrisi. Non, je vous ai demandé, il est où le modaf ? Dans toute cette phrase-là, toi ? Siyarati. Ici, il est quoi ? Il est avec une dama ? Tu suis ce que je dis, hein ? Non. Il a une kasra et pourtant il est modaf. C'est compris ça ? Si j'avais qu'une fatha, Mohamed, t'as un exemple ? Je vais donner trois exemples hier. Tu viens, Mohamed ? Comment dit j'ai vu la voiture du professeur ? Là, le mieux c'est de dire. Ra'aytu. Ra'aytu siyarata al-mudarrisi. Hein, ça, c'est Inch'Allah, c'est pardonné car on n'a pas encore étudié. Al-mef'ul bi. Mais le jar majrour, alhamdoulilah, le frère il a pu trouver un verbe. Taïb, c'est compris ça, Inch'Allah ? Taïb, des règles du modafilé. Qu'est-ce que tu connais sur le modafilé ? À voix haute pour que tout le monde entende. C'est-à-dire, il vient compléter le premier mot qui est le modaf. Taïb, qu'est-ce que tu connais encore d'autre ? Il ne prend pas de ta nuit, il ne prend pas d'un fou de la nuit, il peut prendre cette route. On parle de quoi ? Du modaf ou du modafilé là ? Là, c'est fini le modaf. Là, on parle du modaf, il est. C'est quoi le modaf, il est ? Je sais pas. T'as révisé avec un frère ? Non, j'ai demandé, mais il ne pouvait pas. Il voulait pas ? Il pouvait pas. Il y a plein de frères. خير ان شاء الله. طيب سي كوا المضاف اليه؟ Qui vient compléter, le, qui vient donner une information sur. Qui vient compléter le, ah, forcément une information. Il complète annexé, le premier mot. Voilà. Le premier mot. Parce que là, tu vas me dire c'est un khabar. Là, c'est pas un khabar. Qu'est-ce que tu connais sur le modafili? Il peut être au cas nakira ou au cas ma'rifa. C'est-à-dire, il peut être nakira et ma'rifa, c'est-à-dire défini et indéfini. Également, qu'est-ce que tu connais? Vous entendez tout ce qu'on dit là? Taïb, alhamdoulilah. Mais en fait, annexé avec le premier, avec le mot avec une préposition qui est sous-entendue. Ça après, là, ça par rapport à la règle. Moi, ça, je le disais après, je vais la poser la question. T'as oublié le plus important, Wahbi. Saber. La flamme. Comment? La flamme. Là, il a dit, frère, il a dit ça, le mudaf, il peut être ma'rifa, il peut être nakira. C'est ça, le ma'rifa, nakira. Le ma'rifa, c'est par rapport à ce qu'on vient d'étudier, c'est l'alif ou l'am. Mais ça peut être un prénom, kitab ou zaydin, et kitab ou al-mudarrisi. Ça fait rentrer tout. Comme ça, on va faire profit. Après, tu verras si tu avais la bonne réponse. Allah ybarik fik. S'il est défini, il portera mieux. Non, c'est fini, ça, Saber. Le frère, il a bien répondu par rapport à ça. Est-ce que vous avez une autre réponse, par quelque chose de plus sur le monde affilé? Toi, Abdel Hakim. Kassra, la question est bonne, la réponse est bonne. On dira quoi? Il est majrour. Parce que Kassra, ça peut être une seule, tanwin. Hein, on dit quoi? Il est majrour abadan. T'as étudié un peu loin, hein? T'as bien compris ça, Abdullah? Taïb. C'est compris ça, Saber, la réponse? Est-ce qu'on peut dire Hada kitabu zaydun? Hada kitabu zaydun. Non. Hada kitabu zaydan. Hada kitabu zaydin. C'est possible? Pourquoi? Parce que c'est ça le modafilé. Le modafilé, il est quoi? Il est majrour. Il aura quoi? Une kasra ou une tanwin? Majrour. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est une règle, normalement, ça y est. Il ne faut plus l'oublier, ça. Vous avez bien compris? Taï. Comment tu peux reconnaître un modaf, modafilé, Abdullah? Par exemple, en tant qu'un débutant, comment, qu'est-ce que tu peux lui dire? Même, par exemple, il est en train de lire, il n'y a pas les teshkil. Tu vois? Qu'est-ce que tu lui donnes un indice qu'il pourra reconnaître? Non, c'est ça, on l'a dit. Imagine-toi, là, tu es en train de lire Allah ybarik fik un texte. Il n'y a rien. Il n'y a pas de tashkil. Voilà, il n'y a rien. Comment tu vas reconnaître? Comment? Après le nom. Qu'est-ce que tu veux dire par là, après le nom? Kitab Mohammed. À voix haute, pour que tout le monde comprenne bien. Kitab Mohammedin. Ouais, vas-y. Mohammedin, il a après le nom Kitab. Il a avant, tu veux dire, là, Mohammed. Hada Kitab Mohammedin après, ouais. Taïb, Ayman, écoutez, hein, à voix haute, comme ça, si c'est bon. Parce que le plus souvent, il y a un LM. C'est-à-dire, on dit Aina Kitabu Muhammadin, Kitabu li Muhammadin. C'est-à-dire, sans parler du LM, c'est bien, je vois ce que tu veux dire. Mais pour bien l'expliquer, tu aurais dire quoi? Il y a souvent un sens d'appartenance. Vous avez compris ce qu'il veut dire, le frère? Le Mondaf ou le Mondafilé, il a souvent le sens de quoi? D'appartenance. Et c'est ça la leçon en français. L'annexion, c'est quoi? C'est annexer une chose à une autre chose, c'est-à-dire quoi? C'est comme si ça lui appartenait. T'as compris ça, Abdallah? T'as compris, Iman? Après le lame, ça va être autre chose. T'as maintenant, quand je dis, écoutez tous ces exemples-là. Hada kitabu zaydin. Hada, par exemple, qalamu muhammadin. Hadihi madrasatu al-mudarrisi. Qu'est-ce qu'on sent? C'est-à-dire quoi? Il y a un sous-entendu de quoi? Le livre de Zayd, par exemple, la maison du professeur, la voiture du professeur, le stylo de Mohamed. Vous avez compris ça? Tout le monde a bien compris? Ce sous-entendu-là, Abdelkarim, c'est toujours un sens d'appartenance? Le frère, il dit bien oui. Qui est d'accord avec lui? Il lève la main. Pour le modaf, on a filé, hein. Je ne parle pas du modaf. Là, je demande le sens de l'appartenance. Le livre de Zayd, la voiture de Wahbi, le qalam de Mohamed. Le daftar de Mohamed, ainsi de suite. Là, il y a quoi? Quel sens vous sentez là? L'appartenance. L'appartenance, hein? C'est-à-dire quoi? Kitabu li Wahbi, Qalamu li Saber, hein? Al-Musajjal li Abdel Hakim. Est-ce que ça, il y a toujours ce tardir là? Il y a toujours ce sous-entendu là? Le frère Abdel Hakim, il a dit ouais. T'es d'accord avec lui? Tu sais pas? Ouais, je sais pas s'il y a quelque chose. Hein? Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut changer. Faut réviser les frères. Hein? Oui. Mbek a. Non. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu connais d'autre, Mohamed? Je sais que. Donne-toi un exemple dans la tête et tu vas, ça va t'aider, Inch'Allah. Je te laisse réfléchir et je t'aiderai un petit peu. Hey, fais un signe vers une porte en bois, tu diras quoi? Hada. Ouais, c'est bien. En bois ou en fer? Khashabin. Est-ce que tu dis Hada babou li khashabin? Ou min khashab? Min khashab. Vous avez compris ça? Moi, je vous ai parlé de ça. Ça va venir, Inch'Allah. Mais c'était surtout pour que vous compreniez quoi? J'ai peur qu'après, vous allez dire, il y a toujours le sens d'appartenance. Et si vous faites attention, là, je ne peux pas dire Hada bab li khashabin. Là, parce que la porte n'appartient pas au bois. Vous avez bien compris? Alors ici, il y a quoi? Un tardir de quoi? De mine. Vous avez bien compris ça? C'est compris ça, Inch'Allah? Taïb. Après, il y a un troisième exemple, ça vous le verrez. Il y a un tardir de fi. Taïb. Mais ça, on le verra plus tard, bidnillah. Qui a une question par rapport au mudaf, mudafilé? Non. C'est l'origine, tu l'as dit. Elle est en bois. Mais moi, c'est par rapport aux mines. Sans qu'il y ait une appartenance à vos machins, mais on peut voir l'origine de la matière de l'arbre. Barakallahu fik. C'est pas que ça se peut, c'est ça. La porte en bois. Allah barak fik. Naam, Saber, quelque chose? Taïb. T'as pris la légende de la porte en bois, on peut dire le mur en pierre. Ce sera pareil. Il y a plein de choses. Moi, c'était juste pour que vous compreniez, fille ou tout ça. Sinon, les exemples, il y en a peut-être des millions. Taïb. Barakallahu fikoum. On avait dit quoi? Que le mudaf, il pouvait être quoi? Nakira ou ma'rifa? Un exemple. C'était, vas-y à toi. Un exemple d'un mudaf, il est nakira. Hein? Ada kitab Zaydin. Hada Kitabu Zaydin. Zayd, c'est quoi Zayd? C'est un prénom. C'est inconnu, un prénom. Moi, si je te dis, c'est le livre de Zayd. Moi, je sais quoi Nakira? Qu'est-ce que ça dit Nakira? Indéfini. Indéfini. Zayd, c'est indéfini? Alors, refais un exemple. Hada Kitabu Majdidi. Hada Kitabu Majdidi. Ça se dit ça? Le livre de la mosquée? Non, le Majdidi. Réfléchis, Allah ibarak. Hada Kitab Magasin. Un livre à la base, ça appartient à qui? À une personne, à un prof. Mudarrisin. Taïb, c'est compris ça? Barakallahu fikoum. Maintenant, quelle est la différence entre un mudaf, c'est-à-dire qu'il est mudaf, il est nakira, et que le mudaf, il est ma'rifa? Le fait qu'on dise par exemple, hada kitab ou al mudarrisi, c'est-à-dire quoi? Ici, le mudaf, il est ma'rifa, du qui que soit quoi, il est mudaf à un ma'rifa. Vous avez compris? Et c'est plus fort le fait de dire Hada kitabu mudarrisin. Pourquoi? Le premier, on sait que c'est le livre du professeur. Vous comprenez ça? Alors que le deuxième, c'est quoi? C'est le livre d'un professeur. C'est bien compris ça? Il a un sens de quoi? De ma'rifa. Mais pourquoi il a un sens de ma'rifa? On sait déjà que ce n'est pas le livre d'une professeur. Vous comprenez ça? On sait que ce n'est pas le livre d'un élève. Vous avez compris pourquoi il a une particularité, on peut dire un peu ma'alifa, par rapport à ça. Alors que le premier, on sait que c'est le livre d'un professeur. Taïb, Inch'Allah. On reprend la leçon. Inch'Allah, on a vu tout ce qu'il fallait dans Al-Mudaf ou Al-Mudafile. Taïb. Ajib, Taïb, Tamarin. Ajib anil as'ila al-atiya. Réponds aux questions suivantes. أين كتاب محمد؟ إن شاء الله. Tu réponds. Hein? Chacun répond. T'entends bien là quand même. Bon, j'ai essayé. Sur la moto. Ah, bismillah. إن شاء الله les phrases, je vous fais confiance, révisez. Taïb. Tout à l'heure le frère est dit, il y en a, il a pas pu, l'autre il a pas pu. C'est rien. Alhamdulillah, il y a au moins 2000 élèves. Grâce à Allah. Hein? Celui qui veut, bidnillah. Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu. qui fait partie d'un grand compagnon. Vous savez où il est parti où? Jusqu'en Syrie. Il est parti voir un sahabi, radallahu anhu, il lui a dit, j'ai appris que tu as entendu un hadith du prophète, un hadith. De Médine, il a été où? En Syrie, un hadith. Moi, je ne vous ai pas demandé d'aller à Sana'a ou à Adan. Les frères, ils sont là, ils sont à Damaj. Un hadith, subhanallah. Pourquoi? Car pour eux, c'était quoi? Une valeur de prendre directement de la personne la plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, dans l'ilm al-hadith, barakallahu fikoum, c'est une grande importance. Moyen d'homme, dans la chaîne de transmission, plus la parole est sûre. Imaginez-vous, moi je vous dis, qala, par exemple, Wahbi. C'est Wahbi qui me l'a dit. Après Wahbi, c'est Saber qui lui a dit. Et Saber, c'est Abdel Hakim qui lui a dit. Après, c'est Abdullah qui lui a dit. Et c'est Ayman qui lui a dit, Abdelkarim l'a dit. Et après, Shirihya, il lui a dit. Imaginez-vous, tout ce que j'ai m'a dit, on m'a dit. Est-ce qu'on peut, parmi vous, il peut avoir un doute? C'est vrai, non? Mais si je dis par exemple, Haddatani Sheikh Yahya, ou Haddatani Sheikh Rabi, ou Haddatani Sheikh Ahmed Najmi, c'est quoi? C'est du direct. Vous avez compris ça? C'est ça, c'est important. Regardez, c'est pour ça qu'ils avaient l'importance d'aller prendre directement de la bouche de la personne qui avait entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les frères, faites un petit effort. Allah ybarakikoum. Abdullah ibn Abbas, qui était qui? Le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le neveu. Il attendait le sahabi devant sa porte. Il tapait pas. Et quand il sortait, il disait, neveu du prophète, tu nous aurais demandé de venir, on serait venu. Il a dit, la science, on vient vers elle, c'est pas elle qui vient. Regardez. Parce que le prophète, il nous a demandé de respecter les gens de sa famille. Ahl al-Bayt. Regardez, Abdullah ibn Abbas, que le prophète, il lui a fait un dua. Allahumma allimu al-kitab. Et avec ça, c'est lui qui se déplaçait. Il n'a pas joué avec la valeur, c'est-à-dire il est le neveu du prophète ou de la famille du prophète. Non, il se déplaçait. Et ça, c'est important, les frères. Alors, Inch'Allah, la prochaine fois, si par exemple un frère te dit je peux pas, c'est qu'il peut pas. Alhamdulillah, il y a plein. On est au moins, je ne sais pas combien de frères de France, Allah mabarak. Et je pense pas qu'actuellement, il y a au moins plus de 30, 40 frères, ils ont déjà fait peut-être le 1. Voyez. Aïna Kitab ou Muhammadin, et ça doit aller vite à voix haute. Hein? Oui. Tu sais pas où on est. Et normalement, tu dois savoir, Mahdi. C'est-à-dire que tu n'as même pas dû ouvrir ton livre. Tu vois? Allah Musta'an, Allah. Le sérieux, les frères, le sérieux. C'est rien, donne-lui ce que tu as. À voix haute. Wa ala al-maktabi. Wa ala al-maktabi. Aïna Kitab ou Ammarin. Wa fi haqibati. حقيبتي. répète الله يبارك فيك. هو في الحقيبتي. هو في الحقيبتي. très bien. أين حقيبة المدرسي؟ ici où il est le frère là? Aïna Haqibatu al-Mudarrisi. Traduis-moi cette phrase-là. Où est le cartable du professeur? T'as évilou. En français, dis-le-moi en français. Il est à la Maktaba. Ah, il est à la Maktaba. Dis-moi-le en arabe maintenant. Al-Kitabu ala Maktaba. Ala Maktaba. Tu m'as dit il est à la Maktaba. Tu m'as pas dit il est sur la Maktaba. Ala Maktaba. Ala. Tu veux dire la Maktaba, la bibliothèque, ou tu veux dire le bureau? Est-ce que vous avez appris les mots, les frères? T'apprends les mots? C'est quoi la différence entre un bureau et une bibliothèque? Non. Moi, je veux savoir si tu sais c'est quoi la différence. C'est quoi un bureau? Dis-le-moi, c'est quoi? Je vais voir. C'est quoi un bureau, Allah va écrire? Un bureau, c'est quoi un bureau? Explique-nous, c'est quoi un bureau? Hein? Voilà, on écrit dessus. Et c'est quoi une bibliothèque? C'est où il y a les livres. Toi, je t'ai demandé, là, il t'a dit Aïna Haqibatul Mudarrisi, tu dis, t'as dit, c'est-à-dire le cartable, il est à la bibliothèque. Il a. Tu dirais quoi? Voilà. Voilà, c'est au-dessus. C'est l'endroit. C'est voilà. Ça, les frères, c'est du par cœur qu'il faut faire. Il y a, fil maktabati. Taïb. أضيف الكلمة الأولى إلى الثانية أضف شيء c'est un nouveau mot que vous venez d'apprendre ça veut dire quoi joindre طيب ce serait suivi avec le comme ça le frère ici on c'est pas évident on va vous êtes pas avec moi les frères hein. C'est agib أضيف الكلمة الأولى إلى الثانية أضاف شيء c'est-à-dire joindre الكلمة les mots le premier au deuxième on a devant nous quoi كتابون et on a محمدون qui a compris cet exercice là normalement c'est quoi محمد c'est le درس du مضاف مضاف إليه c'est-à-dire on dira quoi كتابو محمدين c'est compris ça مكتبون et on a le mot à côté المدرس on dira quoi Maktabu al-Mudarrisi. C'est très simple. Taïb, bismillah, on s'est arrêté où ? À toi, Wahbi, à voix haute. Qalamun hamidun. Faites-le directement. Qalamu hamidin. Très bien. Qalamu hamidin. Au suivant. De droite à gauche, hein. Ça doit aller vite. Miftahu. Répète. Al-Baytu. Taïb. Miftahu al-Bayti. Miftahu al-Bayti. Pas Miftahu. C'est avec une kasra. Miftahu. مفتاح البيت و سيفون بيت عباس بيت عباس تري بيان دكان التاجر فات لا ليكتور ديريكت لي فرار هان فو فات ليكزارسيس ديريكتومون با بيزوان دو Très bien. Ghurfatu Aliyin. Baytu al-Muhandisin. Avaouta, Abdel Karim. Baytu al-Muhandisin. Baytu al-Muhandisin. Qu'est-ce que ça veut dire ? La maison de l'ingénieur. Très bien. Maison de l'ingénieur, pas la maison. Oui. Au suivant. Daftaru. Daftaru. Là, ça se lit pas comme ça. Tu l'as lu comme ça, toi. Daftaru. C'est bon, ça ? C'est quoi l'erreur que tu as fait ? J'ai prolongé. Tu as prolongé quoi ? Le ta. Non. Daftaru. Saïdin. Saïdin. Non, tu l'es quoi ? Waladi. Moi ? Ismoul Waladi. Très bien. Ismou al Waladi. C'est-à-dire quoi ça ? Le nom de l'enfant. En suivant, à voix haute. Mindiloun Yasur. Yasser. T'as compris l'exercice, Mohamed ? C'est modaf, modafili. Le modaf, il prend ta nuit ? Non, répète Yasser. Alors. Le mot. Mindilou, c'est la serviette. C'est le mouchoir, ouais. Mouchoir. Yasser. Yasser. Yasser. C'est qui Yasser ? C'est rien. Voilà, tu dis Mindilou, Yasserine. Yasserine. Je crois qu'on peut dire deux. Il a deux prononciations, Mindil et Mandil. Taïb ? Inch'Allah. Kitabullahi. Kitabullahi, non. Hamisu, Hamirun. Hamirin. لا عمار عمار عمار عمار نعم يعني شدة إن prolongation عمار très bien بنتو الطبيب بنتو الطبيب نعم سرير خالد سرير خالد مفتاح السيارة très bien مفتاح سيارة tout le monde a compris inshallah اقرأ واكتب مع الضبط أواخر الكلمات C'est à vous de lire là, pour voir si vous avez bien compris l'exercice, c'est à vous de mettre les terminaisons. Babu al-Madrasati. Babu al-Madrasati, très bien. Himaru. A voix haute les frères, je vais le répéter combien de fois ? A voix haute pour tout le monde entendre, Allah ybarik fikoum. Himaru harajuli. Répète. Himaru harajuli. Himaru rajuli, naam. Beitu hamidin. Prononce le ha. Beitou Hamidin. Très bien, là tu l'as bien prononcé. Beitou Hamidin. Siyaratou Aladaru. Comment ? Ladari. Na, il est où le noun ? Fais-moi voir le noun, il est où ? C'est parce que celui-là, c'est le noun. Na, dis-moi où il y a un noun. T'as dit Siyaratou Nadiri. Aladiri. Allah. Il n'y a pas de lem. Je ne vois pas le. Ouais, c'est ça, je sais pas. Elif lem, ça c'est un noun. C'est un mime ça le Regardez bien, quand il y a un lame, et vous voyez une petite boucle, c'est-à-dire quoi? C'est un mime. Et tu vois le lème là? Tu vois pas une sorte de petite. Il fait comme s'il faisait une marche arrière vers l'arrière. Regarde bien là. Tu vois là ou non? Hein? Aïe. Siyaratu al-Mudiri. Au suivant. Mindilu Ammari. Très bien. Ammarin. Le monde affilé, on n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas prendre de tanwin. Hein? Il peut prendre de tanwin. Au suivant. Ismaou Talibi. Ismou, pas Ismaou. Ismou Talibi. Il y a un mime ici, Mohamed? Non. Il est où? T'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit, Saber? Ouais, c'est. Non, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Voilà. Comment t'as su qu'il n'y avait pas? Parce qu'il n'y a pas de petit crochet en arrière. Voilà. Il est tout droit. Le suivant. Baytullahi. Non. Là, c'est un exemple, quoi? Par rapport à ce qu'on a étudié, moi, Abdallah. Quel modaf, il pouvait être majrour. Vous le voyez, là, Saber? Il est le modaf ici. Fi kitabillahi. Pas fi kitabou. Par exemple, je vous dis quoi? Hadi suratu fi kitabillahi. Il est le modaf ici? Hein? Là. Kitab. Le livre d'Allah. D'accord? Fi kitabillahi. Voilà. Au suivant. Min bayti al-mudarrisi. Même exemple. Hein? Très bien. Au suivant. Ala maktabi al-mudiri. Très bien. Regardez, on a fait trois exemples où le mudaf il est majrour. Hein? Alors qu'au début on aurait pu dire quoi? Maktabu al-mudiri, kitabullahi, baytu al-mudarrisi. Taïb, inshallah. Iqra. Qu'est-ce que ça dit iqra? Li. لي. طيب أين بيت المدرس هو بعيد طيب سكوت لليكسيور شكونا بسم الله ليزي je vous laisse lire hein. S'il y a pas il y a un mot qui est pas compris vous me dites je vous traduis inchallah je relis ou je lis le deuxième on l'a déjà lu al quran kitab الله vous entendez les frères al quran kitab الله c'est la même voix presque al quran kitab الله al ka'ba bayt الله الكعبة بيت الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد محمد صلى الله عليه وسلم أهلي وسلم وسلم c'est une dit trois fois là محمد محمد صلى الله عليه وسلم c'était quoi محمد صلى الله عليه وسلم ouais mais c'était quoi en arabe رسول الله رسول الله المسجد معنا بارك الله فيك مسيبا خرج المدرس المدرس خرج المدرس من غرفة المدير voilà faites attention les frères c'est pas tout qui fait il y a une liaison c'est comme si tu as voulu enchaîner directement là là خرج الم لا on verra il y a un dors certaines choses asli mais pas خرج المدرس خرج المدرس هكذا فهم خرج المدرس من غرفة المدير au suivant هذا بيت حامدين حامدين وذلك بيت خالدين لا pourquoi vous avez changé comme ça Voilà, très bien. Baytou Khalidin, c'est-à-dire la maison de Khalid. Au suivant. Ibn Ammarin Talibun. Ibn Ammarin Talibun, n'am. Wa Ibn Yasirin Tajirun. Tajirun. Au suivant. Baytou Al-Mudarisi. Al-Mudarisi. Baytou Al-Mudarisi. Ba'id Ba'idun. Wa Baytou Al-Tajiru Qaribun. Regarde bien, on t'a dit وَبَيْتُ وَالتَّاجِرُ وَبَيْتُ وَالتَّاجِرِ قَارِبٌ قَارِبٌ Très bien. هذا مفتاح السيارة أين مفتاح البيت Très bien. من أنت يا ولد Regarde bien. من Ouais. أنت طيب يا ولد ولد طيب ولد ولد لا لا يا ولد on va l'étudier inchallah ولد انا ابن عباس très bien ما شاء الله من انت يا ولد انا ابن عباس suivant وابن من هو هو ابن خالد وابن من هو هو ابن خالد suivant اين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله la mosquée du prophète toi t'as mis un damma sur rasoul voilà bien moi j'ai pas entendu une damma à fond alors si t'as dit comme ça t'as eu rasoul allah sallallahu alayhi wa sallam huwa fi madinati munawwara huwa fi madinati t'as eu j'ai pas entendu la fin aina masjidu rasoul huwa fi madinati al munawwara Il n'y a pas de dalil hein, par rapport à la plaie Hua fil Madinati al Munawwara. La ville de Médine, on dit Madinat Rasulillah ou Taïba. Amma Matabata Hadith. Madinat fil Madinati al Munawwara. Taïb. Le suivant. Ben. Ahmed. A voir où est-ce Ahmed, fille. Hein Midou, Midou Rousseau, Midou Roussa. طيب بنت حامد في المدرسة وبنت محمد في الجامعة وسيفان اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد ثابيا اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد عم الطالب غني ça veut dire quoi ça de l'élève est riche est riche نعم au suivant باب المسجد مفتوح مفتوح regarde bien مفتوح voilà باب المسجد مفتوح وباب المدرسة مدرستي مغلقون وباب المدرسة المدرسة مغلقون خالد حامد فقير سيارة عباس في الشارع نعم سيارة عباس في الشارع نعم الشارع سيدير لغوة ابن من أنت أنا ابن المدرس. très bien. ابن من. très bien. ابن من أنت؟ أنا ابن المدرس. أين الكتاب؟ regarde bien. أين الكلب؟ هو تحت سيارتي. نعم. أين الكلب؟ هو تحت السيارة. grand 5. كون جملان مفيدة لملء الفراغ فيما يلي. كون c'est du verbe كونا c'est-à-dire forme. Ici. Hein, il a beaucoup de sens. Kawana, c'est créer, former. Mais s'il te demande de quoi? De former. T'as Jumalan, des phrases. Mufida, des phrases profitables, utiles. Bimal'i, al-farar, fimayali. En remplissant ce qui suit. T'as Al-farar, ça voulait dire quoi on a dit? Vide. Fimayali, ce qui suit. T'as C'est-à-dire là, on va faire, je vais faire le premier pour que vous compreniez. On a quoi? Al-Bayti. Automatiquement, si on a Al-Bayti, qu'est-ce que ça demande devant Soit un Hafjar ou soit un Mudaf. Ce sont les deux choses qu'on a étudiées. Hein? Les choses qui rendent le mot Majrour, c'est quoi Soit un Hafjar ou soit quoi Un Mudaf. On a quoi Mughlaqun. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici Babu Al-Bayti, Al-Bayti, Mughlaqun. C'est compris ça, Inch'Allah Taï, Bismillah, Mohamed. أين مفتاح سيارتي؟ très bien ما شاء الله أين مفتاح سيارتي؟ au suivant le 3 محمد محمد ouais صلى الله عليه وسلم c'est quoi محمد؟ c'était quoi؟ محمد c'était quoi؟ on parle de quel محمد؟ le prophète محمد ouais Fais l'exercice. T'as compris ce que j'ai dit Mohamed Rasoul. Voilà, Mohamed Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au suivant, le 4. Kitab al-tabibi ba'idun. Kitab, non, je pense pas que c'est ça. Kitab al-tabibi ba'idun. Toi-même, tu sais, est-ce que ça dit livre du médecin, il est loin. Le livre. Ça se dit ça? Non. Bien sûr, moi, je vais te le dire, mais. Hein? Non, mais t'as quand même insisté, Wahabi. Le fait de dire kitab ou tabibi ba'id. Quand c'est faux, c'est faux. Je veux dire, alhamdulillah. Tu vois? Ce que tu veux, une chose logique. Est-ce que c'est logique? Je viens vers toi, je te dis, le livre du docteur, il est loin. Hein? L'exemple, c'est-à-dire au niveau de l'exercice, il est bon, mais au niveau du sens. Il est bon, mais. C'est comme si je t'ai dit le pain du docteur, il est loin. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, le pain? Baïdou. C'est agib, hein? Baïdou, tabibi, baïdou. Rien à voir, c'est ça le truc qui est vraiment logique. Quant à. C'est vrai, mais le livre. Bismillah, les frères. Baïdou, tabib, baïdou. نعم القرآن كتاب الله بنت حامد نعم أنا ابن المدارس أنا ابن المدارس très bien قلم الطالب مكسور très bien قلم الطالب مكسور باب البيت مفتوح نعم باب البيت مفتوح خرج المدرس من بيت المدير. Ah, le frère il a dit خرج المدرس من بيت المدير. C'est bon ça, Mohamed? C'est quoi le frère il veut te corriger, Inch'Allah? C'est quoi? Min Beiti. T'es pas avec nous aujourd'hui, Mahdi? Non, parce que j'ai perdu la balle. On va vérifier. Ça y est, خرج المدرس من Beiti al-Mudiri. Taïb. Tout le monde a compris cet exercice? On fait le grand 6. Sahih al-Tarkibat al-Taliya. Sahih, ça veut dire quoi? Sahih, ça veut dire corrige quoi? Hein? Corrige, ça veut dire Tarkibat, ici on pourrait traduire comment? Tarkib, ça veut dire les formules suivantes. Taïb. Al-Qalam, il a dit quoi? Regardez, hein? Al-Qalamu Talibi. Qui veut me. Mohamed, tu me dis la faute, hein? Qalamu talibi. La faute ici, c'était quoi? Voilà, on avait dit quoi? Que le mudaf ne prenait pas de alif ou lam. Hein? Et après, plus tard, Inch'Allah, vous verrez quelques questions. À part s'il était duel, on verra. Alors, la bonne réponse ici, c'est quoi? Qalamu talibi. Hada wa sawab. Babu siyaratu. Mohamed, c'est bon? Si tu me dis oui, pourquoi? Si tu me dis non, pourquoi? Babu Siyaratu, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon, hein? Qui est d'accord avec lui? Toi? Non? Vas-y, c'est quoi l'erreur? Écoute, Mohamed, hein? Le frère n'est pas d'accord. C'est Babu Siyarati. Très bien, Mudaf, Mudafi, il est, hein? Babu Siyarati. Bintu Hamidin. Vas-y. Je l'ai fait moi, dans Moustan. Bintu Hamidun. C'était quoi? C'est la même chose que ce qu'il y avait avant. Bintu Hamidun. Très bien, barakallahu fik. Ar-Rasulullah. C'est bon ça, Saber? C'est bon? Le mudaf, il prend alif ou lam, il prend un tanwin, il prend quoi? C'est pas bon. Normalement, il n'y a pas de alif ou lam. Très bien. Ismu al-Walada. C'est quoi l'erreur ici? C'est pas Walada, c'est Walidi. Le Walidi, regarde bien. Comment tu dis un enfant? Walidi ou Waladou? Waladi. Dis le mot en lui-même, comme ça. Waladou. Et dis-le avec une kasra. Waladi. Voilà, barakallah. C'est pour ça, apprenez par cœur les mots. T'as vu? Allah ybarik fi. Ismu al-Waladi. Ibnun al-Mudarrisi. C'est bon ça, Mohamed Abdallah? C'est quoi l'erreur? Voilà, c'est-à-dire la bonne lecture, ce sera Ibn al-Mudarrisi. On va s'arrêter là, car il est déjà 9h15. Ça a pris un peu de temps, Mudaf, Mudafilé. Inch'Allah, demain, on fera de nouveaux dars. Al-Munada et on parlera d'une règle de dictée. Taïb, inshallah. Comme ce sera un petit darz, demain on fera la dictée demain, inshallah. Préparez les daftar, Allah ybarik fikoum. Et là, on a.